boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, sale réputation qui te colle à la peau, mais comment s'en défaire? Hors la loi, fugitif. Corruption, les mensonges, la corruption, les mensonges font l'injustice. Sur ton dos, quand on veut tuer la bête, on dit qu'elle est malade. Tuer la bête. Tandis qu'elle est folle, la bête. On dit qu'elle est folle, la bête. Plus facile pour la faire tuer. Plus facile. Bête est folle, il faut l'enfermer, il faut la tuer, il faut la tuer, et les rumeurs circulent, et la corruption font l'injustice, font l'injustice.